c'est pas facile. Mais tu sais que mon cœur a un appétit. Ah bébé, faut pas paniquer. Mes bêtises t'ont fait saliver. Ah bébé, faut pas paniquer. Te fâcher. Mais je ne veux pas de la vie d'un bandit. Il est temps que je m'éloigne. Depuis le temps que tu m'abrites, il est temps que je m'éloigne. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'aimes la vie de rêve. Moi, je suis qu'un homme, toi, moi, c'est la même. Plus dur que la roche, nous deux c'est la paire. Viens ma chérie, je t'emmène loin de mes problèmes. Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. C'est mes sentiments que j'investis. T'as des comptes à me rendre, mais tu me vesquis. T'as perdu toute ta classe, tout ton prestige. De notre histoire, il reste que les vestiges. Tes promesses, tes mensonges. Tu progresses, mais pas dans le bon sens. Tes foutaises, tes prononces. Plus jamais mon nom dans ta mais bouche. Mais tu veux pas de la vie d'un bandit. Il est temps que je m'éloigne. Depuis le temps que tu m'abrites, il est temps que je m'éloigne. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'aimes la vie de rêve. Moi, je suis qu'un homme, toi, moi, c'est la même. Plus dur que la roche, nous deux, c'est la paire. Viens, ma chérie, je t'emmène loin de mes problèmes. Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. Pourquoi je détaille, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détaille. Y'a plus de détails, y'a plus de détails, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détaille. Pourquoi je détaille, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détaille. Y'a pas de détails, y'a pas de détails, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détaille. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je suis qu'un homme, toi moi c'est la même. Plus dur que la roche, nous deux c'est la paire. Viens ma chérie, je t'emmène loin de mes problèmes. Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. Thank you.